إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، اللهم يا كريم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم أسألك بأن لم يشهد أن لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أنت الحي القيوم. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى، اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم أسألك التوفيق والإخلاص، اللهم أسألك التوفيق والإخلاص، اللهم أسألك التوفيق والإخلاص، لي ولإخواني ولأخواتي في كل مكان، اللهم أسألك الإخلاص يا رب. وبعد، إن شاء الله، on va continuer l'explication du verset grandiose, immense de Sourate Ibrahim. Donc rapidement, on avait vu la dernière fois comment les croyances du cœur, donc les six piliers de la foi principalement, comment cela était lié avec les actes du cœur, comme l'amour, la confiance, la peur, la crainte. Et comment à leur tour, ces choses-là étaient liées avec l'extérieur. Et on n'était pas rentré dans le détail de cela. De même que je n'avais pas donné un exemple de cela, et je vais vous donner un exemple, Inch'Allah, qui va nous faire bien comprendre cela. Supposons qu'on dise à l'un d'entre nous, ton enfant, il s'est fait frapper. Ici, il a une information, d'accord? Jusqu'à là, son information, il ne sait pas si c'est véridique ou pas. Bien que cela dépende de l'informateur. S'il sait que l'informateur ne ment jamais et il est confiance, ici, il a beaucoup de raisons de croire que son enfant s'est vraiment fait taper. D'accord? Donc ici, l'informateur qui lui donne cette information, il est de confiance et il dit toujours la vérité. Donc la personne reçoit cette information, elle la prend pour étant une vérité. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Il va se passer quoi dans son cœur? N'est-ce pas qu'il va avoir des actes du cœur comme le fait d'être énervé, le fait de vouloir se venger, le fait d'être inquiet, de savoir à quel degré son enfant il a été frappé et si c'est grave ou pas. D'accord? Maintenant, suite à cette information, on a dit, en effet, cette personne-là, à qui on a dit que son enfant s'est fait frapper, il voit son enfant. D'accord? Et il voit son enfant, il voit que son enfant a un gros bleu, par exemple, sur la joue. Ici, il a la confirmation de son information. Comment son énervement, il va progresser? Ses actes du cœur. Au début, même s'il était sûr, il n'avait pas vu encore. Il n'avait pas vu le degré du mal que son enfant a subi. Ici, quand il voit que son enfant a un gros bleu, il a une information supplémentaire qui correspond ici à ses croyances, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Dans son cœur, il se passe que quoi? Il est encore plus énervé. C'est fini ou c'est pas fini? Non, c'est pas fini. À votre avis, cette personne, elle va faire quoi? Elle va forcément vouloir agir. Le minimum qu'elle va faire, c'est s'énerver et parler avec sa langue. Elle va peut-être même aller taper la personne qui a fait ça à son enfant. D'accord? Donc ici, je vais donner un exemple clair pour qu'on se rappelle comment la base de tout, c'est les croyances. D'accord? La base de tout, c'est les croyances. Plus tu connais Allah, et plus tu aimes Allah. Et plus tu connais Allah, et plus tu as peur d'Allah. Et donc, ta connaissance d'Allah, elle entraîne des choses dans ton cœur, qui sont les actes de cœur dont on avait parlé, comme l'amour, la crainte, l'espoir et autre chose. Et ici, si ta connaissance est véritable, et si tes actes du cœur sont véritables aussi, forcément à l'extérieur, on va voir les traces de cela. Donc tu vas faire la prière correctement, et ton extérieur va être droit, et en conformité avec ce qu'Allah Azzawajal attend. Et les versets qui sont de ce sens, jusqu'à aujourd'hui, on en avait parlé la dernière fois, mais on n'est pas rentré dedans, je ne l'ai pas développé, on va voir une règle qui est très importante dans l'islam. Cette règle-là, elle est même très importante en vérité dans ta vie, et quand tu la comprends, elle t'aide. Bien entendu, dans ton islam, elle t'aide dans ta foi les jours, dans ta dunya. Elle t'aide aussi à choisir un bon époux, inshallah, ou une bonne épouse. Elle t'aide à savoir qui tu fréquentes. Elle peut t'aider à choisir un associé quand tu veux faire une entreprise, d'accord? Et elle t'aide aussi à comprendre et à goûter à la douceur et à la beauté du Coran. Quand cette règle, tu l'as assimilée, inshallah, par la grâce d'Allah, tu vas voir les beautés du Coran et comment Allah Azza wa Jal, il ne joue pas de cette règle. Règle et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cette règle. Session, perte. Donc l'interaction entre l'intérieur et l'extérieur, mais l'interaction aussi entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le cœur, tout ce qu'il y a dans le cœur se voit à l'extérieur. Et tout ce qui est à l'extérieur nous montre une partie de ce qui est dans le cœur. Avant d'avancer plus loin dans cette règle, je vais donner juste quelques preuves de cette règle. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Alignez bien vos rangs ou Allah va détourner vos visages. » Ici, le fait d'aligner ou Allah va mettre entre vous la gêne dans les cœurs. Le fait d'aligner les rangs dans la prière, il n'y a aucun doute que c'est un acte extérieur. Si les rangs sont pas alignés, le prophète Sassoum nous informe que quoi? Que cela va faire en sorte que les musulmans vont diverger au niveau de leur cœur. De même que le prophète Sassoum a dit aux compagnons, vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous ne vous aimerez pas. Ensuite, il les a orientés et il leur a donné un acte. Ils vont pouvoir dire, ne vais-je pas vous indiquer un acte? Si vous le faites, vous vous aimerez. Bien sûr, les compagnons, ils ont dit oui, on veut savoir c'est quoi cet acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Passez le salam entre vous. Donc, passez le salam, assalamu alaikum, quand tu vois ton frère, que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas, c'est un acte extérieur qui est fait avec la langue. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que quand cet acte, il est fait, eh bien, il fait quoi? Il fait naître de l'amour dans ton cœur. C'est pour ça que quand on est dans la rue, quand on marche et que tout d'un coup on entend assalamu alaikum et qu'on voit que c'est un frère qui nous appelle salam, qui nous a passé le salam, et même si on ne le connaît pas, eh bien dans notre cœur tout de suite, on a de l'amour pour cette personne. D'accord? Tout de suite on a de l'amour pour cette personne. De même que, parfois quand on passe à côté d'un musulman et qu'on voit qu'il nous a vus et il nous dit pas salam alaikum, ou alors nous on lui dit salam alaikum et il répond pas et on est sûr qu'il l'a entendu, ici tu sens dans ton cœur comme une chose, comme une gêne. Alors que s'il t'a répondu, tu le sens comme une satisfaction. D'accord? Donc cette règle, elle est remplie. Le Coran et la Sunna, ils sont remplis de cette règle. Et en vérité, cette règle, elle est même présente dans la vie de tous les jours. Si une mère, elle est au bord de la plage et qu'elle prétend aimer son fils et que son fils de 5 ans, il commence à entrer dans la mer et qu'il commence à se noyer. Et cette mère, elle a la capacité d'aller et de le sauver. Et il n'y a rien qui l'empêche pour sauver cet enfant. D'accord? Et cette mère prétend aimer cet enfant. Suite à ça, l'enfant, il rentre dans la mer, il se noie un peu, et elle dit quoi? Je l'aime, mais je ne l'ai pas sauvé. Est-ce qu'une personne sur Terre va croire en sa parole? Non, tout le monde va lui dire, mais si tu l'aimais, tu l'aurais sauvé. Ceci n'est pas de l'amour. D'accord? C'est pour ça que les gens, c'est une bonne actrice, celui-là a bon cœur. Celui-là a bon cœur. Ça, c'est même dans la langue. D'accord? Donc, on a dit que cette règle-là, elle va nous permettre de mieux, en premier, puisque le but pour nous, c'est d'apprendre elle émane pour pouvoir le réaliser. Donc, on va tester cette règle-là, elle va nous apprendre à nous, qui nous permet de... Souvent, c'est comme si on est gêné entre frères. Tu demandes à des frères comment on va ton hymen, ils te disent Allahu alam. Non, Allahu alam, bien sûr. Allah, il est toujours Allahu alam. D'accord? Mais nous, on doit savoir. On doit savoir comment va notre hymen. On ne peut pas imaginer. C'est une mauvaise pensée sur Allah et c'est une mauvaise pensée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que de croire que Allah est son prophète. Allah, celui qui a les noms et les attributs parfaits, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur conseiller, on ne peut pas imaginer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous aurait expliqué et il nous aurait montré comment on va aux toilettes et comment on rentre aux toilettes et ce qu'on dit quand on est sorti des toilettes. Et on ne peut pas imaginer qu'il nous aurait laissé comme ça, sans nous expliquer de manière claire les choses qui vont nous permettre de savoir où en est notre iman. Mais cette chose-là échappe à beaucoup de gens, puisque le résultat de cela, c'est simplement l'éloignement des textes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vous ai laissé deux choses. Si vous les suivez, il a mis une condition, donc c'est de les suivre. Il dit, vous ne serez jamais égarés. D'accord? Donc ici on dit que c'est la règle de quoi? La règle que l'intérieur et l'extérieur sont toujours liés. Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith il est dans le Bukhari ou Muslim, le licite et l'évident, prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est dans le sens en français, il dit, celui qui délaisse les ambiguïtés, il a certes protégé son honneur et sa religion. Et celui qui tombe dans l'ambiguïté, tombe dans le haram. Il n'est pas possible que le cœur soit bon sans que cela se reflète à l'extérieur. Comme il dit Ibn Qayyim, il dit quoi? Il dit la base, c'est ce qu'il y a dans le cœur. D'accord? Ibn Qayyim, il dit quoi? Il dit la base, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et l'obligatoire, que ce qu'il y a dans le cœur, si c'est correct, cela sorte à l'extérieur. Si le cœur est bon, que cela se sorte à l'extérieur. Allez, on va donner un verset, inshallah, pour continuer à expliquer cette règle. Alors, je vous dis quoi? Qad aflaha al-mu'minun. Ont certes réussi les croyants. C'est qui ces croyants? Ils ont réussi, c'est-à-dire, ça y est, ils ont réussi, comme s'ils sont déjà entrés au paradis. D'accord? Ce que je vous dis, c'est dans Tafsir Ibn Kathir, où vous trouvez ça dans Tafsir As-Sa'di, inshallah. Donc ensuite, dans le verset 2, Allah Azul, il les a décrits, ces croyants qui ont réussi. Qui sont-ils? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui ont la khashia, ceux qui ont l'humilité. Ceux qui ont l'humilité dans leur prière. Ça, c'est le verset 2. Donc les croyants qui ont l'humilité dans leur prière, ils ont réussi. Ici, Allah Azul, il l'a donné, il parle de la prière et il nous informe que ces gens qui font la prière en étant humiliés, ces gens-là, ils ont déjà réussi. Donc je disais, Ibn Kathir, il a dit quoi? Il a dit, ceux qui s'éloignent des futilités, ça comprend tout ce qui est du shirk, des grands péchés, et de toute parole ou acte qui n'a pas d'utilité dans la vie dernière. Ici, proportionnellement à notre éloignement des péchés et à toute chose qui n'a pas d'utilité dans la vie dernière, eh bien, proportionnellement à ça, on aura le khushu' dans la prière. Et proportionnellement à ça, on aura notre degré de réussite, il sera proportionnellement à notre éloignement des futilités. Que ce soit du shirk, que ce soit des grands péchés, des petits péchés, ou des choses qui n'ont pas d'utilité. Et comme on est en train de parler de l'intérieur et l'extérieur, n'oublions pas que l'arbre dont on parle, et avec laquelle Allah Azza wa Jalla, il nous a expliqué d'une manière simple, l'hymen, lui-même en premier cet arbre, il nous montre ce lien entre l'extérieur et l'intérieur. Puisque l'arbre, il a quoi? On peut partager l'arbre en deux, comme on avait dit. L'arbre, il a une partie qui est dans la terre, qui sont les racines. Et il a une partie qui est à l'extérieur, qui comprend le tronc, les feuilles et les fruits. D'accord? Et on sait très bien que les racines de l'arbre et le tronc de l'arbre, ils sont liés. D'accord? Et on avait dit la dernière fois qu'Allah Azzawajal, comme le Coran est beau, quand il avait dit Asluha Thabit, sa base est ferme, yani, parmi ce qui est venu dans le tafsir, c'est quoi? C'est que c'est les racines qui sont fermes. Et on a dit que les racines, c'était les actes du cœur. Et ici, on avait dit que la sagesse, c'est quoi la sagesse? Et la grande beauté par laquelle Allah Azzawajal, il a décrit cet arbre. Et il a décrit simplement les racines qui sont fermes. Alors qu'on aurait pu dire que, avec notre compréhension en nous, on aurait pu dire, Allah, il aurait pu dire, la terre est ferme, son eau est bonne, et les racines aussi. C'est-à-dire tout compléter. Non, la sagesse, elle est quoi? Elle est que, si les racines sont bonnes, on sait forcément que l'arbre, il est dans une bonne terre, et on sait forcément que quoi? Que l'eau, elle est bonne. Parce que s'il y avait un problème dans l'eau, ou s'il y avait un problème dans la terre, les racines n'auraient pas pu prendre leur force, et ces racines, on ne pourrait pas les qualifier de fermes. Et on a dit que ces racines ici, c'est les actes du cœur. D'accord? On a dit que ces racines ici, c'est les actes du cœur, comme l'amour, la crainte, l'espoir, etc., etc. Donc, les actes du cœur du croyant ne peuvent en aucun cas être fermes, ni être forts, s'il y a des problèmes dans l'irtiqad, s'il y a un problème dans l'usul, dans l'iman, s'il y a un problème dans les six piliers de la foi. S'il y a un problème dans les six piliers de la foi, automatiquement, ce problème, il va influencer sur les actes du cœur. Il va influencer sur les actes du cœur et proportionnellement au problème qu'il y a dans les six piliers de la foi, tu vas trouver que les actes du cœur seront atteints de manière proportionnelle aussi. Et proportionnellement à la force de la croyance, eh bien, tu vas trouver que ici, les actes du cœur, ils vont être forts comme ça. C'est pour ça que si on médite sur le Coran et si on médite sur l'importance de la science, en vérité, la science, elle vient te montrer le chemin et elle vient arroser ici tes racines. Et toi, la deuxième chose que tu as à faire, c'est appliquer cette science. Et quand tu as une science correcte et que tu l'appliques, alors tu as réalisé As-Sirat al-Mustaqim. Comme il dit Ibn Taymiyyah, il dit quoi? Il dit, et le droit chemin est composé de choses apparentes et de choses qui sont à l'intérieur, dans le cœur. Les choses dont il parle des choses intérieures, il dit, comme par exemple les croyances. D'accord? Et les choses extérieures, c'est les paroles qui sont dites avec la langue, ou alors tout ce qui est fait avec l'extérieur. Ibn Taymiyyah, il dit, et ce qui est dans le cœur, comme sentiment ou comme état, va entraîner obligatoirement à l'extérieur des choses. Va entraîner à l'extérieur obligatoirement des choses. D'accord? Donc on a dit que l'intérieur et l'extérieur, ils sont liés. On a dit ici donc la sagesse des racines, c'est que c'est les actes du cœur et que les actes du cœur ne peuvent pas être bons s'il y a un problème dans la croyance. D'accord? De même que les actes du cœur ne peuvent pas être bons s'il n'y a pas d'extérieur. S'il n'y a pas d'extérieur, en vérité, ça montre qu'il n'y a pas d'actes du cœur, qu'ils sont faibles ou qu'ils n'existent pas. Regardez, si vous prenez l'arbre dont on parle, si vous le coupez et qu'il n'y a plus de tronc, il n'y a personne au monde qui appelle ça un arbre. Il n'y a personne au monde qui va appeler cela un arbre. De même que si vous prenez un arbre et qu'il n'a pas de racines, ça veut dire que quand tu vas aller devant cet arbre et que tu vas le toucher avec tes mains et que tu vas pousser, l'arbre il va tomber. Ça veut dire que quand il va avoir du vent, cet arbre il va tomber. Donc ici cet arbre, il n'a pas de base ferme, et il n'a pas de racines et il n'est pas ferme. Et regardez Allah Azzawajal dans la suite du verset, il a comparé le mécréant à un arbre qui n'a aucune stabilité. Et le mécréant, il n'a pas de croyance, il ne croit pas en Allah, il ne croit pas au qadar, il ne croit pas à la sagesse d'Allah, d'accord? Il ne croit pas à l'au-delà. Donc quand il lui arrive un problème, il se passe quoi? Il peut aller jusqu'à se suicider. Et pourquoi il va se suicider? Parce que lui, est-ce que quand il se suicide, Il croit qu'il va en enfer? Non. Ici, même lui, regardez, là, ce qu'on est en train de parler entre l'intérieur et l'extérieur, même lui, il s'est suicidé, donc de manière extérieure, que parce que dans son cœur, il croit que le suicide, c'est la fin des problèmes. Il ne s'est suicidé que parce qu'il croit que le suicide, c'est la fin de ses problèmes. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en Allah, il ne croit pas au jour du jugement dernier. Donc il croit que le fait, et il n'est pas heureux dans cette vie. Il n'est pas heureux dans cette vie parce qu'il s'est éloigné du Coran. Il n'est pas heureux dans cette vie parce qu'il s'est éloigné de l'Yémen. Il n'est pas heureux dans cette vie parce que son Yémen n'est pas comme le joli palmier, beau et ferme dont Allah nous a parlé, mais son Yémen, il ressemble à ce que Allah a dit après dans la sourate, à un arbre qui n'a aucune utilité et qui n'a aucune stabilité. D'accord? Donc c'est normal que cet arbre, quand il y a un petit coup de vent qui vient, une petite épreuve, il perd son travail, il perd, excusez-moi de l'expression, il perd sa copine, d'accord? Eh bien, il met fin à sa vie. Il met fin à sa vie. Il n'a aucune stabilité, il n'a aucune croyance. D'accord? Contrairement aux croyants, dans l'explication du palmier, le croyant, les épreuves, avec les épreuves, le croyant, il est ferme. C'est pour ça qu'il y en a, ils ont dit que le palmier, la sagesse de donner le palmier, c'est que le palmier, même quand il y a des tempêtes, certes, il peut se plier, mais le palmier, il revient à son état, et il revient ferme, et il ne tombe pas. Comme si, puisque le palmier il a été comparé aussi au croyant, de même que le croyant, il a des épreuves, mais ces épreuves, elles ne font que renforcer sa foi et sa croyance en Allah. Dans la bataille de Houd, c'est comme ça qu'étaient les compagnons. Dans la bataille de Houd, Abou Sofiane, qu'Allah l'agrée, il est encore mushrik. Et il a fait quoi? Il a dit à un homme, va voir les musulmans et dis-leur que les gens se seront unis contre eux. Donc cet homme est parti, et il a dit aux musulmans, les gens se seront unis contre eux, ayez peur d'eux. Alors je lui décris ces gens comme quoi? Ceux à qui les gens ont dit, donc ceux à qui les gens ont dit, les gens se sont réunis contre vous, ayez peur d'eux. Ces gens-là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Leur foi augmentée, ces compagnons-là, leur foi augmentée. Pourquoi? Parce que Allah Azzawajal les avait informés que quand ils sont croyants, ils vont avoir des épreuves et tout le monde va être contre eux. Donc quand ils ont vu que ce qu'Allah, et ils savent, d'accord, que Allah Azzawajal est véridique, quand ils ont vu ça avec leurs yeux, leur foi n'a fait qu'augmenter. Et ils ont dit quoi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et c'est le meilleur, wa ni'mal wakil, c'est le meilleur des protecteurs. D'accord? Donc ici on voit comment, quand la base elle est ferme au niveau des piliers, quand la base elle est ferme au niveau des croyances, au niveau des piliers, on voit comment les actes du cœur ils sont tranquilles. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith est rapporté dans Sahih Muslim, il dit que l'affaire du musulman est étonnante. S'il lui arrive un bien, c'est un bien. Et s'il lui arrive un mal entre guillemets, il patiente, mais c'est un bien pour lui. Et après, il a dit quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, et ceci n'est que pour le croyant. Et ceci n'est que pour le croyant. Car en vérité, il n'y a pas de mal. Allah Azzawajal, pour le croyant, il n'y a pas de mal. Peut-être que tu sors de la mosquée, tu trouves que ta voiture, elle a été volée. Ici, c'est un mal en soi au niveau matériel, mais d'une manière générale, si toi tu patientes et tu sais qu'Allah il est sage, et tu sais qu'Allah il est miséricordieux, et tu remercies Allah, et tu sais qu'il y a des sagesses derrière, peut-être que tu allais prendre ta voiture et faire un accident, Allahu alam. Peut-être qu'il te manque, Allah Azzawajal, il te manque quoi? Il te manque des hasanat ou tu as des péchés en trop, et Allah il veut te les effacer par ça, et quand tu vas arriver le jour du jugement dernier, tu vas te rendre compte de quoi? Que ça, tu as patienté ce jour-là. Et ça a été la cause par laquelle tu rentres au paradis. C'était la cause par laquelle tu rentres au paradis. Donc c'est pas un mal. Non, Allah Jul, tout ce qui nous décrète, alhamdoulilah, il y a du bien. Donc ici, on a dit quoi par rapport à la prière? On parle de la prière. Pourquoi? Parce que c'est l'acte le plus apparent extérieur. Donc ici, la prière, quand elle est, elle sera faite correctement quand le cœur il sera bon. Et le cœur, il sera bon avec quoi? Avec des bonnes croyances sur Allah et avec des bons actes du cœur. D'ailleurs, subhanallah, dans la prière, ne dit-on pas à chaque fois Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Si Allah est le plus grand, et allez, nous, on a dit que l'intérieur et l'extérieur, elle est liée. Donc tes paroles, elles doivent être liées avec tes actes. Donc dans ton cœur, si Allah est le plus grand, alors dans ta langue, il va sortir, mais surtout, dans ta prière, tu vas avoir le khushu'. Dans ta prière, tu vas être apaisé. C'est pas que quand tu vas dire Allahu Akbar, après, ton cerveau, ton cœur, il voyage. Il part chez ED, chez Franprix, chez ta famille. Ce que tu as à faire après la prière, et la prière, tu la sens lourde. Ici, tu as dit Allahu Akbar avec ta langue, mais ton cœur, il est où? Ton cœur, il est en train de voyager dans le dunya. Donc, tu as contredit avec ton cœur ce que tu as dit avec ta langue. D'accord? Tu as contredit avec ton cœur ce que tu as dit avec ta langue. Et Inch'Allah, on continue de donner des preuves dans ça. Et les preuves, elles ont été données dans le Coran, comme on disait. Et des fois, elles ont été données d'une manière magnifique. D'une manière magnifique, subhanallah. Alors, je lui dis quoi? Dans le surat Baqarah, verset 104. Allah Azza wa Jalla dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. La taqulu ra'ina wa qulu ndurna wa sma'u. Oh, vous qui avez cru, ne dites pas, yani ra'ina, comme regarde-nous, favorise-nous, mais dites, ndurna, yani dites, regarde-nous. Et écoutez. Wa sma'u, wa aqilu. Ibn Kathir dit, juste avant de dire ce que Ibn Kathir dit, si vous regardez le Coran, le premier appel, il est dans la première fois que Allah appelle les créatures, il appelle tout le monde. Il dit Ya Yuhannes. Ça, c'est le verset 21, surat 2. Mais la première fois qu'Allah, quand vous ouvrez le Fatiha jusqu'à la fin du Coran, la première fois qu'Allah, il appelle les croyants, c'est ici ce verset qu'on vient de donner. Oh, vous qui croyez, ne dites pas Ra'ina. Ra'ina et Ondurna, c'est deux synonymes qui veulent dire regardez ou favorise-nous, pardon. Médite Ondurna et écoutez, c'est-à-dire raisonnez. Ici, c'est la première fois que dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il appelle les croyants. Et, subhanallah, nos raisons elles sont faibles et limitées. Et moi, subhanallah, je cherchais beaucoup la sagesse de ça, puisque je savais qu'il y avait une sagesse. Par rapport à quoi je savais qu'il y avait une sagesse? Juste sur des bases fermes, alhamdoulilah, on sait qu'Allah il est sage, on sait qu'Allah il est parfait. Et donc sa sagesse et sa perfection impliquent nécessairement que quand il va commencer par une chose, il va commencer par une chose importante. Il va commencer par une chose importante. Comme il a commencé dans Al-Fatiha, le premier verbe c'est quoi? Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. Le premier appel c'est pour les gens, et il est normal que ce soit pour les gens, puisque le Coran c'est le message d'Allah pour les gens. Et le premier appel c'est quoi? Wa'budu rabbakum. Adorez votre Seigneur. De même que la première interdiction, c'est quoi? Wala tushriku bihi shay'a. Excusez-moi. Wala taj'alu lillahi andada. Et ne donnez pas des égaux à Allah. Donc ici, le premier ordre, il est clair. C'est pour les gens. C'est de unifier Allah. Et le premier interdit, il est clair aussi. C'est de ne pas donner des égaux. Mais quand je suis arrivé à ce verset, je me dis, mais c'était quoi? Et quand tu regardes au niveau du tafsir de Mukathir, mais que tu médites sur ce verset, tu comprends la beauté de ce verset. Ibn Kathir lui explique ce verset, il dit quoi? Il dit « Allah interdit aux croyants de ressembler aux mécréants dans leurs paroles et dans leurs actes. » Donc, on va expliquer déjà ce verset, comment il est descendu et qu'est-ce qui se passait. Les juifs, ils appelaient le prophète ou les compagnons et ils disaient « Ra'ina ». Et on a dit « Ra'ina » et « Ondurna », ce sont deux synonymes dans la langue arabe qui veulent dire « Regarde-nous ou favorise-nous ». Donc, les juifs, ils appelaient comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ce mot-là, en hébreu, dans la langue des juifs, ce mot-là, il a une mauvaise connotation. C'est comme si tu dis le fou. En tout cas, il a une mauvaise connotation. Et les juifs, qu'Allah les maudisse, ils utilisaient ce mot-là, qui n'a pas de mauvaise connotation, dans la langue arabe, avec l'âme signifiée dans la langue juive. Donc en vérité, ils étaient en train d'insulter les compagnons. Et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un mot qui a deux sens. Un sens dans la langue arabe dans lequel il n'y a pas de mal et un sens dans leur langue dans lequel il y a un mal. Et les compagnons, ils suivaient. Mais bien sûr, les compagnons, ils utilisaient le sens que dans la langue arabe. Il n'y avait aucun, a'udhubillah, il n'y avait aucune intention des compagnons d'utiliser ce mot dans le mauvais sens hébraïque qu'il avait, contrairement aux Juifs. Puisque les compagnons ont ressemblé à une chose sur les Juifs, Allah Azzawajal l'a interdit, il aura interdit de ça. Il aura interdit d'utiliser un mot dans lequel il y a un sens qui est mauvais, bien que le fait que les compagnons, comme on l'a dit, ils n'utilisaient pas ce sens, ce mot dans le mauvais sens. Elles sont nombreuses. Parmi les sagesses qu'on peut décrire, en fait, d'abord, le Coran ici, il nous éduque. Il nous éduque. Puisque ici, vous me dites, c'est quoi le rapport entre l'intérieur et l'extérieur? Le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, comme on va le voir, il est flagrant, il est grand. C'est quoi? C'est qu'on a dit que les paroles que tu dis à l'extérieur, ils ont une influence sur ton cœur. Et ce que tu fais même à l'extérieur, ça a une influence sur ton cœur. D'accord? Donc, puisqu'on parle toujours de Sourate Ibrahim, et on a vu que Sourate Allah, il dit quoi? Allah renforce les croyants. D'accord? Les croyants qui sont renforcés par la grâce d'Allah dans la tombe, ils répondent aux trois questions. Et on a dit que pour répondre aux trois questions, il ne suffit pas de les connaître dans la vie d'ici-bas comme nous les connaissons, mais il faut vivre avec. Allah Azzawajal, il va renforcer et il va affermir les croyants qui ont vécu avec. Quant à ceux qui connaissaient la réponse ici-bas et qui n'ont pas vécu avec, ils ne pourront pas. Puisque ces gens-là sont comparables à une personne qui aurait la recette et qui saurait comment faire un palmier, et qui aurait même une terre qui est bonne, et de l'eau qui est bonne, et des graines pour faire un palmier, mais à la fin, il n'a jamais fait de palmier. Est-ce que cette personne-là qui n'a pas fait de palmier, elle peut manger des dattes? Mais non, parce que même si elle a la recette, et même si elle a la terre, elle n'a pas agi. Donc nous, la science, comme professeur Semi dit quoi? Le Coran est un argument pour toi ou contre toi. Donc on comprend ici que la science, certes, c'est le premier pas vers le paradis, mais tant qu'on ne l'applique pas, eh bien, on est comme l'exemple du paysan qu'on a donné. Il a une bonne terre, il a une bonne eau, il a des bonnes graines, il peut faire un palmier qui aurait pu lui donner des dattes, qu'il aurait pu aller vendre sur le marché et dont il aurait pu nourrir sa famille, mais malheureusement, il ne sait pas, il n'a pas agi et donc il n'a pas d'arbre. Eh bien, nous, si on n'agit pas avec la science, eh bien, la science, non seulement c'est une preuve contre nous, mais en plus, la science ne donnera pas de fruits, contrairement à cet arbre qu'Allah Azza wa Jalla a décrit, qui a donné des bons fruits et qui est bon en lui-même. D'accord? Donc ici, les paroles, on revient sur les paroles. Les paroles ici, ça joue sur tout. Donc, la personne, Allah Azzawajal, pourquoi, c'est quoi les sagesses qu'Allah Azzawajal, il a parlé d'une parole. Déjà, nous, les paroles, en France, particulièrement, on fait pas attention aux paroles. Et les paroles, elles font des dégâts considérables. Il suffit pour ça de savoir que, ils étaient en voyage, d'accord? Et ils étaient fi sabilillah, ils étaient dans le sentier d'Allah. Ça veut dire, regardez, ils ont tout laissé. Et ils allaient vers la mort. Est-ce que nous, on a atteint ce niveau d'Iman? Pour la plupart d'entre nous, et moi en premier, non. Donc ça, c'était leur situation. Ils étaient arabophones. Ils étaient avec le prophète sallam, et ils allaient au Jihad fi sabilillah. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit une parole, puisque nous, on ne fait pas attention aux paroles. Ils ont dit, on n'a pas vu plus gros mangeur et plus lâche que ces lecteurs. Ils visaient les compagnons. D'accord? Alors, il leur a dit quoi? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ne vous excusez pas, vous avez cru après avoir eu la foi. Ici, Allah il a dit quoi? Et si tu leur demandais, ils diront, nous faisons que de jouer. Allah, il les a pas démentis. Eux, ils faisaient que de jouer. Ils disaient, on va passer un peu de temps, on avance, c'est le voyage. D'accord? Comme quand tu dis à quelqu'un aujourd'hui, fais attention à ta parole, il te dit, mais attention, tu veux plus qu'on parle. Alors, on va plus parler, on va mettre quoi sur notre langue? Non, subhanallah, on n'a pas dit plus parler. Mais parle dans ce qui t'est bénéfique à toi et ce qui est bénéfique aux autres. Donc ici, Allah Jul, bien que dans la sourate, il dit, si tu demandes aux hypocrites, Allah les contredit à chaque fois. Mais dans ce passage-là, il ne les a pas contredits. Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'ils ont vu qu'ils ont fait de la mécréance? Non, ils n'ont pas vu qu'ils font de la mécréance. D'accord? Et ils étaient musulmans? Oui, ils étaient musulmans. C'est Allah qui dit lui-même. Qad kafartum bi'ada imanikum. Ils étaient musulmans. Allah Azza wa Jalla a confirmé l'iman. Mais ils ont mécru après ça. D'accord? Donc ils ont dit quoi? Ils ont dit une parole. Et donc la parole dans l'islam, on est en train de parler de ce verset, la parole elle est très importante. On rentre dans l'islam avec une parole, on se marie avec une parole. Si on dit la ilaha illallah avant de mourir, c'est une parole, on a le paradis. La parole c'est important. Tu divorces avec une parole, tu te rapproches d'Allah avec une parole, tu t'éloignes d'Allah avec une parole. Comme le professeur Semi dit quoi? Il peut arriver à la personne de dire une parole dans laquelle elle ne prête pas attention. Elle a fait attention? Non, elle n'a pas fait attention. Et il lui arrive quoi? Elle plonge 70 années en enfer. De même que quoi? Le professeur me dit, il peut arriver au serviteur de dire une parole avec laquelle elle ne fait pas attention et qui agrée Allah Et Allah Azzawajal va rencontrer cette personne. Allah Azzawajal, il l'agréera. D'accord? On demande à Allah avec ses plus beaux noms et ses plus beaux attributs qu'il fasse que nos paroles soient une preuve pour nous et qu'il fasse qu'on sorte de nos langues sans qu'on se rende compte des choses qu'il agrée afin qu'on le rencontre et qu'il soit pas en colère contre nous, mais plus que ça, qu'il nous pardonne nos péchés. D'accord? Donc ici, on est en train de parler de la parole et de la relation entre la parole et ce que ça fait dans le cœur. D'accord? Donc si on a vu qu'avec une parole, tu peux mécroire, d'accord? Les paroles, ça fait des dégâts considérables. Donc ici, il faut quoi? Il faut qu'on apprenne à quoi? À dire ce qui est agréable à Allah. Donc, il faut aussi, le conseil que je donne pour beaucoup d'entre nous, on doit changer la manière de parler. Il y a beaucoup de choses, on ne s'en rend pas compte, ça fait des dégâts dans le cœur. Quand on dit oui, c'est de la balle, wesh, c'est bien, tous ces langages qu'on connaît, d'accord? Ici, ça fait des dégâts dans ton cœur. Jamais professeur Soumy parlait comme ça. Professeur Soumy était avec des compagnons. Rathman, il est venu. Et il y avait un homme avec Rathman, il voulait rentrer dans l'islam. Et professeur Soumy, Rathman, il a dit au professeur Soumy, prête-lui allégeance. Il voulait que cet homme rentre dans l'islam. Et cet homme-là, il avait beaucoup combattu l'islam. Et professeur Soumy, donc, il ne lui a pas serré la main. Il regarde à droite, il regarde à gauche, il regarde ses compagnons. Rathman, une deuxième fois, il lui demande, il lui dit, laisse-toi rentrer dans l'islam ou prête-lui allégeance. Le professeur Soumy regarde encore à droite, ses compagnons regardent à gauche. Et la troisième fois, le professeur Soumy lui a tendu la main. Cette personne est rentrée dans l'islam. Ensuite, cette personne, elle est repartie. Et quand elle est repartie, le professeur Soumy, il a dit quoi aux compagnons? N'y avait-il pas parmi vous un homme bien guidé, quand il a vu que je ne lui ai pas tendu la main, donc il n'était pas encore rentré dans l'islam, qui lui tape le cou, qui le tue, quoi. Et regardez les compagnons ce qu'ils ont dit. Et là, on voit, subhanallah, les compagnons, même si c'est les meilleurs des créatures, on voit, c'est des hommes. Ils ont dit quoi? Ils ont dit au prophète, si tu nous avais fait un signe de l'œil, on aurait su. Et le prophète Sassoum, il a dit quoi? Il a dit, et là, il n'y a que le prophète Sassoum qui peut dire ça. Et regardez la beauté de son caractère. Il a dit quoi? Il n'appartient pas à un prophète d'avoir une traîtrise de l'œil. C'est-à-dire, même le clin d'œil, ici, le prophète Sassoum, il s'est éloigné de ça. Il y a une traîtrise de l'œil, juste un clin d'œil, le professeur Aslam, il s'est éloigné. Donc nous, si on essaie de suivre le professeur Aslam, dans tout, à l'extérieur et à l'intérieur, on va avoir quoi? On va avoir l'amour d'Allah. Comme Allah Azza wa Jalla dit quoi? Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. C'est quoi le résultat? Dis, si vous aimez vraiment Allah, Allah va vous aimer et va vous pardonner vos péchés. Comme il dit Ibn Kathir dans son tafsir, il dit, ici, les savants, ils appellent ce verset le verset de l'épreuve. Et comme, quand les gens ont prétendu aimer Allah, alors Allah Azzawajal les a éprouvés par ce verset, en disant, dis, yani, ô prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, si vraiment ils prétendent aimer Allah, alors suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la preuve d'aimer Allah, c'est quoi? C'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il dit Ibn Kathir dans son tafsir, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, intérieurement, extérieurement. Yani, si tu suis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, intérieurement, et si tu le suis que extérieurement, excusez-moi, sans le suivre intérieurement, tu es un hypocrite, d'accord? Si tu le suis, tu ne peux pas le suivre intérieurement. Si tu le suis intérieurement, alors forcément tu vas le suivre extérieurement. D'accord? Donc ici, après Ibn Kathir, il dit quoi? Il dit, et comme certains sages ont dit, le but n'est pas d'aimer Allah. Il est normal que nous aimions Allah. Comment on ne va pas aimer Allah Azzawajal? Si toi, quelqu'un, tous les jours, il vient devant ta porte, il te donne un repas. Et quand tu descends, il te donne un cadeau. Et quand tu reviens chez toi le soir, il te donne un cadeau. Et quand il te voit, il te dit des bonnes paroles. Ne vas-tu pas l'aimer? Tu vas l'aimer. Walillah al-mathalul a'la. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Et Allah, comment on ne va pas l'aimer? Il nous donne tout. Il nous a tout donné. Il nous pardonne nos péchés. Il nous laisse droit dans l'islam alors qu'on fait beaucoup de péchés et qu'on fait beaucoup de mal. Non, c'est normal d'aimer Allah. Mais, comme il a dit Ibn Kathir, certains sages ont dit, le but n'est pas d'aimer Allah. Mais le but est que tu sois aimé par Allah. Car si Allah t'aime, ben forcément toi tu vas l'aimer. Et si Allah t'aime, Allah il va te quoi? Il va te protéger. Donc ici, il faut comprendre que l'intérieur, il agit sur l'extérieur, comme le professeur Soumy, on l'a vu avec le hadith tout à l'heure. Si le cœur est bon, ça agit sur l'extérieur, mais il faut comprendre que l'extérieur agit sur l'intérieur. D'accord? L'extérieur agit aussi sur l'intérieur. Tout à l'heure, on parlait de prière. Donc là, si on doit faire après Inch'Allah le cours, les ablutions, et si on se concentre sur les ablutions, et si tout de suite après avoir fait les ablutions, on fait deux unités de prière, Il n'y a aucun doute que ces deux unités de prière auront un peu de concentration et en tout cas, elles seront meilleures que deux unités de prière que tu ferais après avoir regardé un match de foot, par exemple. Et d'ailleurs, quand tu regardes un match de foot, tu n'as pas envie de faire la prière après, puisque ta foi, elle descend. D'accord? Puisque ta foi, elle descend. Donc l'intérieur, il est lié avec l'extérieur, et l'extérieur, il est lié avec l'intérieur, et ça fait une boucle. D'accord? Et ici, l'erreur de beaucoup de gens, comme dit Ibn Qayyim, l'erreur de beaucoup de gens, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas pris en compte l'extérieur. Ils n'ont pas pris en compte l'extérieur. Par rapport à ça, par rapport à l'extérieur, il y a deux extrêmes et un juste milieu. Il y a des gens qui ne font attention qu'à leur extérieur. Et faire attention à l'extérieur, on a dit, c'est bien. Mais faire attention qu'à l'extérieur, c'est là le problème. Quelqu'un, par exemple, il laisse pousser sa barbe, alhamdoulillah, c'est bien. Et après, tu le vois quoi? Tu vois que il regarde ceux qui n'ont pas de barbe, avec, il les regarde mal. Ou alors, il passe devant eux, il leur passe pas le salam. D'accord? Ou une sœur, elle va mettre le hijab, c'est bien. Ou elle va mettre le niqab, c'est encore mieux. D'accord? Mais elle ne va pas passer le salam à des sœurs qui ne mettent pas le hijab. D'accord? Ici, c'est quoi le problème? C'est que si cette personne-là, elle a fait une obéissance extérieure, qui est par exemple de mettre la barbe, ou de mettre le hijab ou le niqab, si elle a fait une obéissance extérieure, elle a des maladies, comme l'orgueil, ou des choses comme ça, en vérité, Subhanallah, elle n'a fait que de s'éloigner d'Allah avec un acte d'obéissance extérieure. Pourquoi? Parce que quand elle a fait cet acte extérieur, au lieu de voir la grâce d'Allah sur elle, elle s'est crue mieux que les autres. Donc avec un acte d'obéissance extérieur, elle s'est éloignée d'Allah et elle se croit mieux que les gens. Alors que peut-être, mais là c'est un autre extrême et on n'invite pas les gens à ça, peut-être qu'une sœur qui n'a pas le hijab et qui fait la prière sera mieux qu'elle. Mais ça, c'est le deuxième extrême. Il y a des gens qui font pas attention au quoi? À l'extérieur. Et ils disent l'important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et comme on a vu, si le cœur est bon, obligatoirement, l'extérieur va suivre. Et l'extérieur va être bon. Donc il y a deux extrêmes. Il y a des gens qui font attention qu'à l'extérieur et qui font pas attention à travers le cœur. Et comme on a dit qu'ils ne font pas attention, en vérité, ici, aux racines mauvaises qui peuvent pousser dans le cœur, comme l'orgueil, le fait de se croire mieux que les gens, d'accord? Et il y a d'autres personnes qui font pas attention à l'extérieur et qui disent que l'extérieur c'est des détails. Et c'est pourquoi? Parce que ici, vous voyez dans le palmier, il n'y a pas de détails. Le palmier, il est complet. On a dit qu'ici, qu'Allah Azzawajal, dans l'exemple, ici, il avait parlé de la foi complète. Il a parlé de la foi complète. C'est-à-dire de celui qui, quand il va mourir, directement il va au paradis. D'accord? Et cet arbre ici, on voit bien que quoi? Il a des bonnes racines, il a une bonne terre, il a de la bonne eau, il a des bonnes feuilles et il a des bons fruits. Vous voyez pas que si vous commencez à arracher les feuilles, et subhanallah, le prophète Sassoum, quand il a comparé le croyant à cet arbre, il a dit les feuilles ne tombent pas. Et comme si les bonnes actions, les fruits ici, c'est les bonnes actions, c'est le résultat d'une bonne science, c'est le résultat de bons actes du cœur, d'accord? Comme si ici les fruits, comme si, et qui sont les hasanat du croyant, c'est comme si le hasanat, le croyant, ne perd pas, il ne perd pas. Je vous le dis dans le Coran, Allah ne fait pas perdre la bonne action des muhsinin, de ceux qui sont bienfaisants. Donc ici, regardez, si on commence à arracher, comme je disais, les feuilles du palmier, et tu commences à aller dans le tronc, à faire des trous, et tu commences à enlever encore d'autres fruits, n'est-ce pas que le palmier, qui était beau, il va perdre de sa beauté? Si tu lui enlèves toutes ses feuilles et tu laisses le tronc, il va perdre de sa beauté. Donc le palmier qui est beau, c'est quoi? C'est le palmier qui est complet. Il a une bonne terre, il a une bonne racine, il a de la bonne eau, il a une bonne, il a de bons fruits. D'accord? Et c'est ce palmier qui correspond à la foi complète qu'Allah Azzawajal, il nous invite à compléter. D'accord? Donc, et ici, c'est le juste milieu. D'accord? Le juste milieu, c'est que la personne, elle doit toujours faire attention. Elle doit faire attention à son extérieur parce qu'elle sait que l'extérieur, ici, ça joue sur l'intérieur. Comme il dit Ibn Qayyim, il dit quoi? Il dit par rapport au sens, d'accord? Par rapport au regard, par rapport à la parole et par rapport à l'ouïe. Il dit ces sens ici, ils ont quoi? Ils ont des choses obligatoires à faire. Ils ont des choses qu'ils ne doivent pas faire, c'est des interdits. D'accord? Ils ont des choses qui sont permises, ils ont des choses qui sont recommandées, et ils ont des choses qui sont blâmables. D'accord? Donc ici, on voit comment les premiers cours, ils nous aident aujourd'hui à mieux comprendre. Ici, si la personne, elle suit les informations d'Allah qui sont dans le Coran et les informations du prophète dans la Sunna, d'accord? Et qu'elle utilise les sens extérieurs et elle obéit à Allah dans ses ordres et elle s'éloigne des interdits, elle ne les fait pas, alors elle fait quoi? Elle est en train de quoi? De bâtir les racines de son arbre et de bâtir aussi l'eau de son arbre. Elle est bâtie, en train de bâtir aussi l'extérieur, puisqu'on a dit que les deux, en fait, c'est une boucle, les deux se construisent mutuellement. C'est-à-dire que pour faire un acte extérieur, faire un acte extérieur, c'est de l'hymen, mais cet acte aussi, il demande de l'hymen. D'accord? Le faire, c'est de l'hymen, mais cet acte demande de l'hymen. Interdire le mal avec la langue, par exemple, c'est de l'hymen. Quand tu le fais, ça te demande de l'hymen. Et quand tu l'as fait, ça te rajoute de l'hymen. D'accord? Donc on doit faire attention à notre extérieur. Et quand on fait attention à notre extérieur, notre intérieur, il quoi? Il s'améliore. Notre intérieur, il s'améliore. Et donc faire attention à notre extérieur, c'est faire attention avec deux choses. C'est faire attention à la bonne science, puiser des bonnes sources, comme on avait dit, et faire attention aux bons actes. D'accord? Comme le professeur Sam a dit quoi? Celui qui fait une action qui n'est pas conforme à notre ordre, ici, son action est rejetée. D'accord? Ce hadith, c'est la balance des actes extérieurs. Donc ici, on doit faire attention à ce que toute chose qu'on fait, ce soit conformément à la sunna. Quant aux actes intérieurs, on doit faire attention que quand on fait une chose, on la fasse sincèrement pour Allah. Innamal amal bin niyat. Les actes ne valent que par les intentions. On doit renouveler notre intention. Par exemple, ici, notre intention, c'est quoi? C'est d'apprendre en premier pour nous. Pourquoi? Pour appliquer. En deuxième, quand on a bien appliqué, on transmet. Et pourquoi pour ça? Pour que la parole d'Allah, inshallah, soit la plus haute. Donc nous, on doit refaire notre attention. Et toute chose qui va, ici, dans notre cœur, vont attaquer les racines, d'accord? Donc l'intention, c'est une racine, d'accord? C'est un acte du cœur. Ici, cette racine-là, il faut qu'elle soit pure pour Allah. Pour qu'elle soit pure pour Allah, on doit faire attention à tout ce qui va attaquer cette racine, comme le fait d'être, le fait de vendre, ou que les gens pensent du bien sur nous, ou que les gens nous voient. D'accord? On doit repousser ça. On doit repousser ça, si ça vient en nous. D'accord? Donc regardez, on donne un autre exemple, Inch'Allah. De même que ici, juste avant de donner un autre exemple, on doit retenir aussi d'autres règles. C'est quoi? C'est que sache que quand tu vois une personne qui a un problème à l'extérieur, alors tu sais automatiquement qu'elle a un problème à l'intérieur. Si par exemple une personne elle est en train d'écouter de la musique, d'accord? On va donner un exemple. Pour une sœur, c'est plus voyant. Par exemple, une sœur, elle fait la prière. Elle est en train d'écouter de la musique. Et elle n'a pas de hijab. Une autre sœur qui va aller la voir. Ici, elle voit un extérieur. Dans cet extérieur, il y a quoi? Il manque une obéissance qui est le hijab. Il y a une désobéissance qui est quoi? Qui est le fait d'écouter la musique. On sait forcément que dans son cœur, la soumission, elle n'est pas totale. D'accord? La soumission à Allah, au niveau de l'acte du cœur, elle n'est pas totale. Et peut-être que la connaissance d'Allah parfaite aussi, elle n'est pas totale, puisqu'on a dit que la connaissance d'Allah, elle influence sur les actes du cœur. Donc ici, la branche qu'on a vue, ce problème extérieur nous montre qu'il y a un problème au niveau de la base. On a deux solutions pour agir. Soit tu essaies de parler de ce problème, mais peut-être que tu vas le régler, mais tu n'auras pas réglé la base. C'est pour ça que le mieux, c'est de comprendre qu'il y a un problème dans la base et de le rappeler à la base. C'est pour ça que le professeur se m'a dit à Mourad, tu vas te rendre vers un peuple, des gens du livre, que la première chose que tu fasses, ce soit de les appeler à la ilaha illallah, au fait que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Après, s'ils acceptent, tu leur parles de la prière. Mais donc, tu leur parles pas de la prière avant le tawhid. Donc, on ne parle pas à la personne. Donc, ici, quand on voit un problème à l'extérieur, il faut appeler les gens au tawhid. D'accord? Et quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on doit parler, on a dit on doit parler des six piliers de la foi. Alors, si on n'a pas beaucoup de temps, on se concentre juste sur deux piliers. On parle de la grandeur d'Allah, de la puissance d'Allah. Et si on n'a pas beaucoup de temps, on parle du jour du jugement dernier. On parle de l'enfer. Comme ça, la personne, elle va quoi? Elle va peut-être craindre et peut-être qu'elle va réfléchir. D'accord? Mais, bien sûr, tout cela avec douceur. Tout cela avec douceur. Donc, on a dit quoi? Le fait, quand il y a un problème à l'extérieur, ça nous montre qu'il y a un problème au niveau de la base. Et de même, quand il y a un problème dans la base, cela se voit à l'extérieur. D'accord? Donc, cette règle-là, elle a deux exceptions. Le fait que l'intérieur et l'extérieur soient toujours liés. La première exception, c'est chez les hypocrites. Les hypocrites, ils montrent une chose à l'extérieur alors qu'ils cachent la mécréance. Donc l'hypocrisie, c'est quoi? C'est cacher la mécréance et montrer l'islam. Donc eux, ils montrent l'islam au niveau du palmier. Ils montrent un palmier qui ressemble au palmier dont on a parlé. Et pourquoi j'ai dit qu'il ressemble? Parce que Allah, il a dévoilé les hypocrites d'une manière dans laquelle il n'y a plus d'ambiguïté, parce que les hypocrites, ils ont des caractéristiques extérieures qui font que quand tu les vois, tu sais qu'il y a un problème dans la base et que seul un hypocrite peut faire ça. Comme quand Allah, il dit quoi? Donc on a dit, on a bien dit que cette règle nous aidait à comprendre le Coran et à la beauté du Coran. Comme Allah, il dit quoi dans le Sourate Nisa? Verset 60, Allah dit, n'as-tu pas vu? Et nous, on avait vu Alam Tara. On a dit que Alam Tara, c'est pour attirer l'attention et c'est pour créer l'étonnement. Pour qui? Pour la personne qui va comprendre. Comme si nous, on doit être étonné par rapport à l'exemple du palmier. On doit être étonné comment dans un verset, Allah il a expliqué toute la religion. On doit être étonné aussi comment nous, on n'avait rien compris. Puisqu'on s'était éloigné, on n'a pas lu le tafsir, on sait pas, on n'a pas médité dessus, et que la vie de tous les jours nous empêche de cela. Il y a plein de choses qui nous empêchent de ça. Le temps, le fait qu'on ne consacre pas assez de temps à lire ou à écouter, et le fait que la plupart du temps, puisqu'on est en train de parler d'extérieur, la plupart du temps, ou dans beaucoup de temps, on ne fait pas des choses qui vont fortifier notre cœur et qui vont faire que le cœur y voit. D'accord? On fait plutôt des choses contraires. Ce qui fait qu'après, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc ici, Allah, il dit quoi? N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre sur toi? Donc eux, ils prétendent, hein. Comme ils disent les mufassirines, ils prétendent, et généralement, on prétend une chose quand c'est pas vrai. Donc ces gens-là, ils prétendent croire à ce qu'on a fait descendre sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils prétendent croire aussi à ce qu'on a fait descendre avant lui. Mais dans le même temps, il veut prendre pour juge le Tarout. Le Tarout, c'est tout ce qui sort de la loi d'Allah et de son prophète. Allah, il continue, il dit quoi? Alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de mécroire. Ensuite, Allah, il dit quoi? Mais le diable veut les égarer, loin dans l'égarement. Subhanallah, regardez. Dans Sourate Ibrahim, Allah, il a parlé du shaitan, et après, il a décrit l'Imen. Et il a parlé de la situation de shaitan, quand tout sera fini, et comment shaitan il va se désavouer des gens. Et Allah, il a dévoilé sa ruse qui est de juste appeler les gens, donc appeler les gens entre autres à la mécréance. Et regardez ici, comme dans ce verset, Allah, il nous montre que c'est Shaitan qui veut égarer les gens. Comme ils disent les Mufassirine, ici Shaitan, il veut égarer les gens en leur faisant croire qu'en prenant pour juge autre qu'Allah, ils vont rester dans l'islam. D'accord. On est en train de parler des hypocrites. Ils sont où les versets? Ils sont juste après. Allah, il dit quoi? Et lorsqu'on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre sur toi et sur le messager, et sur le messager, Allah, il a dit quoi? Tu vois quoi? Tu vois les hypocrites s'éloigner. Ok, on revient. Ici, vers ce qu'Allah et son prophète, hein, on a une dispute, on n'est pas d'accord. Viens, on se fait juger par Allah avec sa loi. D'accord? Et cette personne, elle s'en va. Elle dit non, je veux pas, etc., etc. D'accord? Ici, si sa base elle était correcte, si elle croyait vraiment en Allah au jour du jugement dernier, et si elle avait des racines fermes et de la soumission, automatiquement, elle se serait soumise. C'est pour ça qu'Allah il a dit quoi? Tu vois les hypocrites s'éloigner de toi. Et regardez comme le Coran il est beau. Allah il n'a pas dit tu les vois s'éloigner de toi. Parce que tu les vois, peut-être qu'on aurait dit c'est pas des hypocrites. Mais Allah il a dit, pour bien préciser et pour montrer c'est qui, tu vois les hypocrites s'éloigner de toi. Donc ne s'éloigne, quand il y a une dispute, ne veut pas se faire juger par la charia que quelqu'un qui a l'hypocrisie dans son cœur. Que quelqu'un qui a l'hypocrisie dans son cœur. Donc on a dit que cette règle entre que le fait que l'intérieur et l'extérieur, ils sont toujours liés, elle n'est pas valable que dans deux cas, chez les hypocrites qui cachent la mécréance et qui montrent l'islam, d'accord? Et on a dit qu'Allah il les a dévoilés dans son livre, il a montré leurs actes extérieurs, il a montré certaines situations, comme quand il dit Allah et quand il s'élève à la prière, il se lève d'une manière paresseuse, et il les a décrits aussi dans de nombreux versets. Et le deuxième type de personnes, d'accord, qui sont pas concernées par le fait que l'intérieur et l'extérieur sont toujours liés, c'est la personne qui est contrainte. Ici, le contraint, c'est le contraire de l'hypocrite. Le contraint, parce qu'il a été contraint, il va montrer la mécréance avec son extérieur, alors que dans son cœur, il y a la foi. Comme Allah, je le dis dans la sourate 16, verset 106, là, il dit quoi? Quiconque a mécru après avoir cru, après il a accepté, sauf celui qui a été contraint et l'a conditionné, alors que son cœur demeure plein de foi. D'accord? Ici, le verset il est descendu sur le compagnon. Ammar, il a vu ses parents se faire tuer devant lui. D'accord? Et jusqu'à qu'ils lui ont demandé de mécroire avec sa langue. Et le compagnon, il est voir le prophète Sossim, et il a dit, voilà, ils m'ont ordonné de faire ça, faire ça, faire ça, et je l'ai fait. Le prophète Sossim, il a dit quoi? Il a dit, comment est ton cœur? Il a dit plein de fois. Donc ici, lui, il a été contraint à l'extérieur de montrer la mécréance, mais son cœur demeurait plein de foi. Et ici, pourquoi Allah Azzawajal, il met comme condition le fait que le cœur demeure plein de foi? Je vous laisse la question, Inch'Allah, comme ça vous aurez une semaine pour réfléchir. À part, je sais, il y a des frères, Inch'Allah, ils connaissent les réponses. Mais je laisse la réponse, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Et on va se rester là pour aujourd'hui. Et avant de s'arrêter là, je vous donne juste une preuve qui vous suffit à retenir. Et on avait dit que cette preuve, elle réunit tout au niveau de l'Iman. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quoi? Et comme il a dit lui-même, il lui a dit, Allah m'a donné Jawami al-Kalimat. Allah m'a donné l'ensemble des paroles. Comme ils disent les savants, ils disent l'ensemble des paroles. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en peu de paroles, il y en a, ils ont dit quoi? En peu de paroles, il résume le livre qui était avant lui. D'accord? En peu de paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il résume la religion. D'accord? Donc ici, le hadith, il est rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Celui d'entre vous qui voit un munkar, un mal, qu'il le change par sa main, s'il ne peut pas, par sa langue. Et ceci est la plus grand et le plus bas degré de la foi. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il y a une preuve que l'iman est par les actes extérieurs. Donc il a dit, celui qui voit un mal, qu'il le change par sa main. Ici, c'est la preuve que l'iman est dans les actes extérieurs. Il a dit, s'il ne peut pas, par sa langue, c'est une preuve que l'iman est dans la langue. Et il a dit, s'il ne peut pas, par le cœur, c'est une preuve que l'iman est aussi dans le cœur. Et à la fin, il a dit quoi? Ceci est le plus bas degré de la foi. Donc il y a une preuve que la foi, elle monte, elle descend, et qu'elle n'est pas pareille. Car celui qui a changé avec la main, il a plus de foi que celui qui a changé avec la langue. Et celui qui a changé avec la langue, il a plus de foi que celui qui a changé avec le cœur. D'accord? Et il y a une preuve aussi que l'intérieur et l'extérieur sont liés, puisque quand tu vois un munkar, quand tu vois une chose qui ne te plaît pas, tu dois au minimum rejeter ça par ton cœur. Et si tu as plus de foi, tu le dis avec ta langue. Tu empêches le munkar. Et si, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de le dire avec sa langue, c'est de l'hymen, et ça demande de l'hymen, et ça donne de l'hymen. Trois choses qui sont différentes, hein, même si c'est des implications. Mais, donc c'est de l'hymen, parce que. Donc, non, ça demande de l'hymen. Parce que pour voir un mal, et on voit que quand notre foi elle baisse, des fois on n'arrive plus à dire, on n'arrive plus, on voit un mal devant nous, et ce mal, avant, quand notre hymen était plus fort, on arrivait à dénoncer. Ça demande de l'hymen, c'est de l'hymen, et ça donne de l'hymen. C'est pour ça que ici, il faut se forcer, même quand notre hymen il baisse, à faire ce qui va donner de l'hymen. Même quand ton hymen il baisse, essaie de prendre le dessus. En quoi? En t'aidant d'Allah, demande l'aide d'Allah, tawakkul à Allah, ista'in billah, demande l'aide d'Allah, place ta confiance en Allah, et ici Allah Azza wa Jalla, Inch'Allah, il va t'aider, et fais ce que tu voulais faire, Et la chose que tu sentais faible dans ton cœur, fais-la avec ta langue. Et ici, tu vas voir quoi? Tu vas voir que ta foi, elle a quoi? Elle a augmenté. Alors que si tu ne le fais pas, tu vas voir que tu vas sentir dans ton cœur comme quoi? Comme une déception, comme une faiblesse qui vient dans ton cœur. D'accord? Donc, dans ce hadith qui est rapporté par un musulman, ce hadith, il explique toute la foi et il montre que la foi, elle est liée entre l'intérieur et l'extérieur. Et il montre que la foi, elle est par le cœur, par les paroles et par les actes, et qu'elle monte et qu'elle descend. Donc, en fait, ce hadith, il a résumé tout sur la foi. Donc, quand on comprend ce hadith, on comprend tout sur la foi. Inch'Allah, on va arrêter là pour aujourd'hui. On demande à Allah, avec ses plus beaux noms et ses plus beaux attributs, qu'il ne nous laisse pas, ne serait-ce que un clin d'œil à notre propre personne, et qu'il nous donne une foi qui n'est pas une foi qui n'apostasie pas, une foi qui n'est jamais reniée. On lui demande qu'il nous donne quoi? Un cœur reconnaissant, une langue reconnaissante. On lui demande quoi? On lui demande qu'il nous fasse mourir musulmans et qu'il fasse que nous tous on soit une cause de bien pour nous-mêmes avant tout et pour les autres et pour la communauté et qu'il nous pardonne nos péchés. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa barakallahu fikum wa assalamu alaikum.